كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل درسنا في ما يتعلق بالكفارات في نهار رمضان. Et on a lu dans le dors précédent hadith Abi Huraira رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a demandé pourquoi. فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم. Donc il a eu des rapports avec sa femme et il était صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a demandé est-ce qu'il pouvait libérer un esclave. فقال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال فهل تجد طعام ستين مسكينا؟ فقال لا. Et ces trois points, c'est ça, kaffaratu, celui qui fait al-jima' fi Ramadan. Et on a démontré que c'était khas pour Ramadan. Amma celui qui a des rapports en dehors de Ramadan, dans un siyam nafila, fala ithma alayh, dans un siyam recommandé. Amma c'est un siyam obligatoire, kan nadr ou al-qada, fahada, il est athim, lakin il n'a pas de kaffara. Kadhalik, akhun sa'ala, est-ce que ça englobe al-jima' bi ghayr al-zawja ka al-zina? Fa na'am, li'anna al-ulama, il démontre que celui qui a eu des rapports, fa alayhi hadhi al-kaffara, que ce soit avec al-zawja amla. Amma avec al-zawja, il est athim, il a cette kaffara. Amma al-zina, fa al-ithm, il est a'zam. لأنه إلى بلغة في الزنا في رمضان أو في غير رمضان فهذا إلى خالف أنه في الزنا وكذلك يتم في هذا الذنب العظيم أنه يفعل في رمضان. وهناك فتوى للجنة الدائمة في هذا برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم. تقدم حديث أبي هريرة. فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمناط الحكم ونصا على علته. واتفق الفقهاء على أن وصف الزوجة في الموطوءة طرد غير معتبر. Le fait que la femme elle est citée الزوجة, ça ne veut pas dire que c'est que celui qui a fait avec la femme. Là, le cas de Hadal Arabi, il a eu des rapports avec sa femme. Wa illa al-hukm, c'est tous ceux qui ont des rapports. C'est ça, as-sawab. Qalu fatajib al-kaffara bi wat'il ama. Que ça soit celui qui a des rapports avec une esclave. Wa bi zina, notre mas'ala à nous. Wa attafaqu aydan ila akhir. واتفقوا لي لأن فائدة طيبة واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطي نادما لا أثر له في وجوب الكفارة كذلك celui qui regrette يعني في التوبة لكن son regret ça annule pas le kafara لأن هذا الرجل qui est venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم قال هلكت et ça montre غاية الندامة أنه il a regretté fortement لكن les regrets il fait التوبة et كذلك الشريعة سكيل أبليك ست كفار. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد العاشر. donc ça englobe كذلك celui qui fait zina والعياذ بالله. نسيت la dernière مسألة qu'on a prise. ها ما يتعلق ب نعم est-ce que le mar'a les concerne. donc par rapport à la femme الخلاف il est قوي. بعض العلماء ils ont dit elle est concernée et بعض العلماء ils disent elle est pas concernée. فالله تعالى أعلم. On cite une autre مسألة. من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا فهل يقضي ذلك اليوم؟ Est-ce qu'il rattrape le jour? Vous avez remarqué que في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas dit de rattraper le jour. Il lui a dit directement tu libères un esclave ou une esclave. Thumma, tu peux pas, tu jeûnes deux mois. Tu peux pas, tu nourris 60 pauvres. Dans le hadith, c'est pas cité al-qada. Fakhtalafa ahlul ilm par rapport à cela. Wa'ad ahlul ilm, ils ont dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pas parlé de qada à cet homme, donc, celui qui a des rapports, il rattrape pas ce jour. et jeûne 2 mois. S'il ne peut pas jeûner 2 mois, il nourrit 60 pauvres. بعض العلماء ils ont dit عليه القضاء والكفارة. Et ils ont pris القضاء d'autres adillah. فعدة من أيام أخر. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité le malade et le voyageur, il a démontré qu'ils étaient excusés et ils rattrapent ce jour. بعض العلماء ils disent que si celui, on va dire كلام شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, si celui qui a une excuse, il doit rattraper, comme le malade et le voyageur, que dire de celui qui n'a pas d'excuse? Pourquoi celui qui a une excuse, il rattraperait, et celui qui n'a pas d'excuse, comme celui qui a eu des rapports pendant la journée de Ramadan, annahu, il ne rattrape pas. Et il y a une riwaya, an Abi Dawood wa ghayri, ay hadith Abi Huraira, il y a un rajout dans une riwaya de الإمام أبو داود رحمة الله عليه وقضي يوما مكانا وقضي يوما مكانا أي غطخط un jour à la place. لكن سدزيادة وبعض العلماء أعلوها. Ils ont démontré qu'elle était ضعيفة. ابن حزم il a cité طرق هذه الزيادة et il a démontré qu'elle était ضعيفة. فعلى ضعفها il nous reste des autres أدلة bien sûr et على صحتها c'est clair. On cite كذلك en même temps, et celui qui a eu des rapports, est-ce qu'il rattrape un jour? كذلك celui qui mange et qui boit volontairement, est-ce qu'il doit rattraper ce jour? Les nabad al-ulama, ils disent qu'il ne rattrape pas ce jour. Les mazal et anna, il devait le jeûner à ce moment, volontairement il l'a délaissé, il fait tawba, et il ne peut pas rattraper ce jour. Les anna ramadan, c'est ramadan, il y a un temps précis, sauf celui qui a une excuse. Celui qui a une excuse, il est excusé, donc il peut le rattraper. Vous avez compris la différence. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في عمدة الفقه من أفطر بغير هذه الأعذار. On va voir inshallah un bab sur أهل الأعذار. أي le voyageur, le malade, la femme enceinte, la femme qui allaite, les personnes âgées, le majnoun. Tout cela, ils sont excusés. Donc celui qui annule son siyam et il ne fait pas partie des gens excusés. Et l'annulation, que ça soit avec la boisson, avec la nourriture ou avec les rapports. قال فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوم. Cheikh l'Islam, il est d'avis qu'ils doivent rattraper. كما يجب القضاء على من فوت الصلاة. Et il fait un qiyas avec le salat. Celui qui a délaissé une salat, il doit la rattraper. فهكذا الصيام celui qui délaisse un jour il le rattrape. لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فعلى غير المعذور أولى. Et ça c'est un قول قوي. Si celui qui est excusé il doit rattraper comme le voyageur, celui qui n'a pas d'excuse فمن باب أولى il doit rattraper. مع أن الفطر متعمدا من الكبائر. Ça fait partie des grands péchés celui qui mange ou qui boit ou qui a des rapports volontairement. قال وفوات العين باق في ذمته. العين هنا c'est le jour qui est rendu obligatoire, qui est obligatoire pour lui. Il reste, il l'a jamais fait. Donc فوات العين est l'obligation dont il était concerné et ce jour elle reste في ذمته. Et il l'a jamais fait, donc il doit la faire. قال عليه أن يتوب منه وهو أعظم من أن تمحوه كفارة مقدرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك. Même si il y aurait une kafara pour lui ou il ferait plusieurs jours à la place, ça sera jamais comme le jour qu'il a manqué volontairement. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يوما مكانه ويستغفر الله. Et on a dit cette ziyada, بعض العلماء l'ont ضعف. قال رواه أبو داود وابن ماجه. أما عند ابن ماجه الله أعلم إلي بقى سد زيادة لبقى عند ابن ماجة فكأنه وهم من شيخ الإسلام. الزيادة لعند أبي داود تقدم أن بعض العلماء اللي ضعف. ثم إلى ستي بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال ويذكر عن أبي هريرة رفع إلى سيتيس حديث. donc حتى ce حديث بعض العلماء اللي ضعف. على كل حال ce حديث c'est une des preuves pour ceux qui disent ils rattrapent pas, annaman aftara yawman min ramadan, celui qui mange ou qui boit ou qui a des rapports volontairement fait ramadan sans excuse, lam yaqdi siyam ad-dahr, même si jeûne toute sa vie, ça remplacera pas ce jour qu'il a manqué. Wa in sam Cheikh al-Islam, ma'anna, il voit que ce hadith il est thabit, il va démontrer c'est quoi le ma'na sahiha. Ay, pour Cheikh al-Islam, tu comprends pas de ce hadith. Si tu jeûnes toute ta vie, ça remplacera jamais ce jour que tu ne dois pas jeûner le jour. Là, قال شيخ الإسلام وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجب عليه صوم ذلك اليوم المعين وذلك اليوم لا يكون مثله إلا في شهر رمضان. أي, tu pourras jamais rattraper ce jour. Pourquoi? Parce que le temps légiféré de ce jour, il est passé. Donc, tu n'arriveras jamais à le rattraper par lui-même. قال لكن صوم ذلك المثل واجب بنفسه أداء. أما jeûner un autre jour à la place, c'est obligatoire. Ce qu'on appelle al-ada, al-qada. فلا يمكن أن يصام قضاء عن غيره. فلو صام الدهر كله لم يقضيه حق ذلك اليوم المعين, لكن وجب عليه صوم يوم لأنه أحد الواجبين. Ça, ça montre fiqh, هذا الإمام. Il te dit, tu pourras jamais rattraper ce jour, لكن tu dois jeûner un autre jour. T'as deux wajib, t'as deux obligations. Le jour même, cette personne elle l'a pas fait, et un deuxième wajib, c'est al-qada, pour ceux qui n'ont pas fait le premier. Donc Cheikh al-Islam dit, si tu n'as pas fait le premier, tu dois faire le deuxième. Et le premier, tu n'arriveras jamais à le remplacer. Lakin, tu dois faire le deuxième. Et rattraper ce jour. قال لأنه أحد الواجبين. نعم. إن كلمة غير مفهومة كان هو العينين أي المعين عليه. قال هو الواجب الآخر. كانه المعين هو الواجب الآخر. ففوات أحدهما لا يجيب سقوط الآخر. Donc le fait d'avoir manqué une obligation, ça ne veut pas dire que tu délaisses la deuxième. لا. وهذا معنى كلام الإمام أحمد سواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره. Donc Cheikh al-Islam, il est d'avis que حتى الجماع il le rattrape. Et c'est un قول, il est قريب. قول الأئمة الأربعة أنه celui qui a fait الجماع Nahar Ramadan, alors qu'il n'a pas le droit de le faire, il rattrape ce jour et Al-Kaffar. Donc il rattrape un jour, et s'il peut jeûner 2 mois consécutifs, il jeûne 2 mois consécutifs après Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Donc Al-Sawab, c'est qu'il rattrape un jour. Celui qui mange et qui boit, man akala ou shariba amdan fa hal alayhi Al-Kaffar, est-ce que la Kaffara c'est que pour celui qui fait le jima' أو كذلك celui qui mange et qui boit. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع. Et c'est ça le قول الصواب. الكفارة c'est que pour الجماع, كما في حديث أبي هريرة, cet homme il avait fait الجماع في رمضان, c'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré الكفارة. قال الشيخ ابن تيمية في شرح الممتع والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان, لأن الكفارة لم ترد إلا في هذا الحال. نعم صحيح أن الكفارة كسيدنا حديث أبي هريرة c'est que pour cet homme, et bien sûr c'est semblable qu'on fait الجماع في نهار رمضان. Pourquoi faire le قياس avec الأكل والشرب alors que c'est différent. قال والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. Et ça c'est une règle. La base c'est que le صيام il est صحيح, ou plutôt هنا الأصل براءة الذمة, الأصل c'est que t'es pas concerné par le kafara et c'est pas une obligation sauf si un délit, et le délit il est venu pour al-jima. قال فنقتصر على ما جاء به النص فقط. Cheikh Ibn Uthaymeen dit donc on reste avec le délit et on dit que le kafara c'est pour celui qui a fait le jima في نهار رمضان فقط, et c'est le قول الصواب. هل الكفارة خاصة بمن جامع امرأته في نهار رمضان, est-ce que c'est خاص pour celui qui a eu des rapports في رمضان, ou ça englobe celui qui a eu des rapports dans un jeûne obligatoire autre que Ramadan, qu'al qada ou nadr. Et on a cité ce point avec la parole de Cheikh Sa'di, lakin on détaille هنا. قال شيخ الإسلام في عمدة الفقه شرح عمدة الفقه ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان, فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة لم تجب عليه الكفارة. مثلا كفارة اليمين, il a juré et il a pas respecté son la chose pour laquelle il a juré, il doit jeûner 3 jours. Si il a des rapports pendant ces 3 jours, ou un des 3 jours, enfin on ne dit pas qu'il y a le kafara. Là, il rattrape ce jour. كذلك القضاء النذر. Et on a cité la parole de Cheikh Saadi. قال الإمام عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده. Donc إجمع العلماء que ça concerne que رمضان, لكن حقيقة يبقى إجمع كما قال ابن عبد البر سوف قتادة. قتادة رحمه الله il a prétendu que ça englobe كذلك celui qui mange et qui boit. لكن لا الصحيح سيقول عامة أهل العلم que ça concerne الجماع فقط الكفارة. قال شيخ ابن عثيمين في شرح الممتع رحمه الله لا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل. Donc on récapitule, صيام النفل, celui qui jeûne lundi et jeudi par exemple et il fait le jima', on ne dit pas كفارة. لا أصلا الصيام il n'est pas obligatoire et il n'est pas آثم. Ça c'est pour le نفل. أو في الصيام كفارة اليمين, on a cité الكفارة, celui qui jure. أو في الصيام فدية الأذى, tout ce qui est lié avec le حج. أو في الصيام المتعة لمن لم يجد الهدي, كذلك في الحج, celui qui ne trouve pas de quoi sacrifier. أو في الصيام النذر, celui qui fait un vœu. ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان, celui qui avait un jour à rattraper de رمضان, il le fait maintenant في الشوال, في شوال, et pendant ce jour il a des rapports, il n'a pas de كفارة. Si c'est un jeûne obligatoire, il est athim et il rattrape ce jour. وَلَا تَجِبْ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانِ وَهُوَ مُسَافِرٍ كَذَلِكَ. لَنَا الْمُسَافِر, même si c'est fait Ramadan, il ne fait pas partie de ceux qui doivent jeûner obligatoirement. Donc s'il a des rapports, là, chez Ali, al-musafir. وَلَا تَجِبْ الْكَفَّارَ فِي الْإِنْزَالِ بِقُبْلَ كَذَلِكَ. Celui qui embrasse sa femme et il éjacule, فَهَذَا, il n'a pas de kafara. Pourquoi? Parce que le kafara, c'est pour celui qui fait le jima'. Qu'il a éjaculé ou non? قال أو مباشرة ونحو ذلك لأنه ليس بجماع. طيب, le قول de Cheikh Ibn Uthaymeen et récapitule tout ce qu'on a dit. Une autre mas'ala, toujours par rapport à al-jima' fi Ramadan, من جامع امرأته وهو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع. Et ça, ça arrive. Un homme, il a des rapports avec sa femme avant le fajr. Il a le droit, c'est la nuit. ثم les rapports ils continuent et al-fajr as-sadiq tala qad yaqul qa'il ya ladhan. Dans des endroits il n'y a pas ladhan, et rubbama il est dans un endroit de chez lui, il n'entend pas ladhan, rubbama dans sa rue il n'y a pas un masjid proche, etc. Al-muhim, c'est pas toujours qu'on entend ladhan. Oh, il peut être dans un pays ils ne font pas ladhan, comme en France matalan, tu n'entends pas ladhan dans les rues. Donc hadha al-muslim, il a des rapports avec sa femme et il se rend compte après que une partie des rapports c'était après le fajr. Enfin, est-ce qu'il a annulé son jeûne? Est-ce que al-kafara il est concerné? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hadhihi al-mas'alah fiha thalathatu aqwal li ahli al-'ilm. Sheikh al-Islam il résume cette mas'alah et il cite qu'il y a trois avis. Le premier avis, anna 'alayhi al-qada wa al-kafara wa huwa al-mashhur min madhhab Ahmad. C'est l'avis le plus connu dans عند الحنابلة. Il doit rattraper et al-kafara. Et il est exactement comme celui qui a fait le jima' volontairement la journée. Ça c'est le premier qawl. Et fil haqiqa, il y a une différence. Lianna le premier cas qu'on a vu, annahu al-kafara il est concerné, annahu il a fait les rapports volontairement, il savait que il faisait du haram, c'était clair la journée de Ramadan. Amma hadha لا يدري. Donc c'est différent. الثاني أن عليه القضاء. Deuxième قول, القضاء. Il doit rattraper. لكن il n'y a pas de كفاره. Pourquoi? لأنه c'est différent avec celui qui fait les rapports volontairement en pleine journée. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وهو قول ثاني في مذهب أحمد. نعم الحنابلة كذلك ils ont un قول أنه القضاء. Et c'est مذهب de أبو حنيفة, de الشافعي et de مالك عليهم رحمة الله. Le troisième قول, لا قضى عليه ولا كفار. Troisième قول, ni il rattrape ce jour, ni il est concerné par le كفار. وهذا قول طوائف, وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه. قال شيخ الإسلام وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة. نعم شيخ الإسلام démontre que le troisième قول أنه il n'a pas de rattrapage à faire, لا قضاء, et من باب أولى il n'a pas de كفارة, c'est le qawl qui est le plus proche des preuves du kitab et de la sunna. Pourquoi? Les annahu, c'est involontaire. Les annahu, c'est permis pour lui d'avoir des rapports la nuit, lakin, le fait que tolu al-fajr, et le début de Ramadan, ça a commencé, le début de Siyam plutôt, ça a commencé, la journée, elle a commencé, huwa, il ne savait pas. Il croyait que c'était permis. Donc, في هذا الحال قال شيخ الإسلام وهو قياس أصول أحمد وغيره فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ. نعم. Vous vous rappelez du hadith d'Abi Huraira, أن celui qui mange par oubli ou qui boit par oubli, il continue son siyam. لأن الله سبحانه وتعالى il prend pas en compte celui qui fait une erreur ou celui qui oublie. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوط أي الجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc Allah nous a autorisé de manger, boire, etc. jusqu'à que le khayt al-abyad il apparaît, أي الفجر. وهذا il lui est pas apparu, il savait pas. قال واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط لأنه il pensait que c'était la période où que c'était permis. فهذا أولى بالعذر من الناس والله أعلم. لكن on précise أن الإنسان fait attention. خاصة à notre époque الآن, il y a des montres, il y a l'adhan dans les pays musulmans en général, tu l'entends. لكن ça peut arriver. خاصة au début de Ramadan, معناها الإنسان il est pas encore habitué à toutes ces heures. لكن الإنسان il fait attention. وإلا فكما قال شيخ الإسلام لا قضى عليه ولا كفارة. وإذا نط مسألة إذا دخل عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال. هذا صحيح كذلك. أنه il a des rapports avec sa femme مثلا, ثم quand il entend l'adhan ou quand il s'aperçoit que c'est l'heure du fajr, il se retire. أي il arrête les rapports. كذلك العلماء اختلفوا في هذا. Un قول يجب عليه الكفارة والقضاء. لماذا؟ لأن quand il s'est retiré, pour eux ça fait partie de l'jima'. Donc il a fait al-jima' dans une période qui était interdite. نعم. هذا c'est قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وبعض الحنابلة. كذلك أو هذا أقصد لا تجب. أنا جدي يجب لا تجب. ثم on verra les autres أقوال. لا تجب عليه الكفارة ولا القضاء. Donc عندهم ni كفارة ni قضاء. Pourquoi? Parce que c'est involontaire, ça ressemble à la mas'ala précédente. C'est l'avis de Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam al-Taymiyya ou Cheikh al-Utaymiyya. Deuxième, alayhi al-kaffara. Deuxième qawl, alayhi al-kaffara. C'est ce qu'on expliquait. Et le fait de se retirer indahum, ça fait partie du jima'. Donc, il a eu des rapports dans un moment où c'était interdit. Troisième qawl, yabtul sawmuhu wa la kaffara ta'ali. Wa huwa qawl imam Malik. Naam, indahum, siyam, il est pas valide. Pourquoi? Parce que se retirer, kadalik, ça fait partie du jima. Et il a fait ça dans une période interdite. Donc son siyam, il est batil. Lakin, il a pas de kafara. Pourquoi? Parce que c'était pas volontaire. Ou al-rajih, c'est le qawl l'awwal. Qawl Cheikh ibn Uthaymeen, qawl Cheikh l'islam. Léanna, laysa bi wus'ihi illa an yanza' fi hadha al-hal. Dans ce cas, quand il s'est aperçu que la période de siyam, elle a commencé, il ne peut que se retirer. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ففي هذا الحال il a fait ce qu'il devait faire et ça nous montre que c'est le قول الصحيح. فلا قضاء عليه من باب اولى لا كفاره. لكن on répète ان الانسان il prend ses précautions, il prend ses précautions حتى il sort de tous ses doutes, tous ses khilaf, et son siyam il est واضح. Est-ce que التتابع اي jeûner les deux mois consécutifs, est-ce que c'est un shart de les jeûner consécutivement? هل يشترط التتابع في صيام الكفارة؟ أي est-ce qu'on peut jeûner deux mois, mais pas consécutivement? Une semaine, ton maï jeûne 10 jours, ton maï jeûne 1 mois, حتى يفني les 2 mois. Ou c'est obligatoirement 2 mois consécutifs. On revient au hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les 2 mois consécutivement. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه في الإشراف أجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر فأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام. Al-Imam al-Mundhir rapporte l'ijma' que celui qui commence les deux mois, thumma il les coupe, et il n'a pas de raison, il n'a pas de udr, il n'a pas d'excuse, il doit recommencer les deux mois. Pourquoi ? Parce que c'est une condition que ça soit deux mois de suite. وابن قدامة رحمة الله عليه في المغني يقول لا خلاف بين من أوجبه أي الكفارة أي الصيام أنه شهران متتابعان للخبر أي en se basant sur le hadith de Abu Huraira. كذلك كفارة الظهار في آية المجادلة في سورة المجادلة الله سبحانه وتعالى il a démontré que c'était deux mois consécutifs. Et on sait que نحن كفارة المجامع في نهار رمضان c'est la même kafara que pour الظهار. لكن يا خلاف الحقيقة ابن أبي ليلى رحمة الله عليه قال بجواز التفريق لكن عامة العلماء et les hadiths et le verset في سورة المجادلة ils sont clairs أن التتابع c'est un شرط. Celui qui a une excuse, et ça c'est une mesela importante, لأن dans les deux mois peut-être que tu seras obligé de ne pas jeûner un jour. Imma une maladie, imma c'est l'Eid, imma pour la femme elle a les règles, al-hayd, etc. Fal-an, comment faire les deux mois consécutifs et ne pas couper? Ou est-ce que couper et ne pas jeûner, c'est tu peux être excusé? On rapporte, on lit, kalam al-imam al-Shanqiti rahmatullah alayhi, sahib adwa al-bayan, dans son tafsir, et où il parle de kaffaratu al-zihar, lakin on répète c'est la même pour celui qui fait le jima' ay fi nahar ramadan. Qala al-adhhar indi fi hadha al-far', et dans cette mas'ala anna qat' tatabu' sawm kaffaratu al-zihar, et on sait que c'est la même pour celui qui a les rapports fi nahar ramadan bil iftar fi athna' al-shahrayn in kana li sabab la qudrat lahu 'ani at-taharruz 'an كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه عن الصوم أنه يعذر في ذلك في ذلك. Et ça c'est clair. أن celui qui jeûne les deux mois consécutifs et il est éprouvé مثلا par une maladie, donc il ne peut plus jeûner, ففي هذا الحال il arrête de jeûner et dès qu'il est guéri il reprend, il est excusé. Pourquoi? Parce qu'il a un udr. Et on répète le verset لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, et c'est pas في وسعه de jeûner. Donc il continue. Ça nous montre que celui qui n'a pas d'excuse, s'il coupe, il recommence les deux mois. Même s'il a fait un mois et demi. Thumma il coupe. Liannahu hakada, il n'a pas d'excuse. Fahada, il recommence les deux mois depuis le début. Amma celui qui a udr fala. Donc, premièrement, le malade. Bien sûr, al-imam Shanqiti qal al-mard al-shadid. Amma, une petite chose, tu te sens capable de jeûner, tu n'as pas le droit de couper. Qala رحمة الله عليه ولا ينقطع حكم التتابع لأنه لا قدرة له على التحرز عن ذلك والله عز وجل يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc ça c'est un cas. وإن كان يمكنه التحرز عن الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة. Un deuxième exemple, il peut repousser مثلا un voyage. S'il voyage et il mange, il doit recommencer les deux mois. Il a annulé. Bien sûr, on précise, si c'est un safar darouri, c'est un safar, tu n'as pas le choix. Darouri, inshallah, ça ne coupe pas les deux mois. Lakin, mujarrad un safar, ça peut devenir une hila. Une personne, il a deux mois consécutifs à jeûner, tombe au bout d'une semaine, deux semaines, il se dit, je veux voyager, le voyage, ça m'autorise. Là, surtout si c'est un voyage pour annuler les deux ou pour faire une pause entre guillemets, chacun doit reprendre dès le début. Amma si c'est un voyage darouri, fa inshaAllah il est ma'dour kalmari. Donc ça c'est un autre cas. قال الإمام الشنقيطي وكما لو كان ابتدأ صومه أو ابتدأ صومه الكفارة من شعبان لأن شهره الثاني رمضان وهو لا يمكن صومه عن الكفارة. كذلك ne pas jeûner si tu as deux mois consécutifs à faire, ne pas commencer au début de Sha'ban. Pourquoi? Là, si tu commences Sha'ban, après Sha'ban, c'est Ramadan. Et Ramadan, tu es obligé de le jeûner avec la niya que c'est Ramadan. Fala yaqul qa'il, je vais jeûner Ramadan le mois et ça me fera mon deuxième mois de kafara. Là, tu ne peux pas jeûner avec ces deux niyas. Abadan. C'est une kafara, tu dois la faire à part. Donc, ne pas jeûner le mois de Sha'ban. Ça, ça nous montre les deux mois consécutifs, tu dois pas, ou il n'y a pas une date pour les faire directement. Là, tu dois choisir une période où, Inch'Allah, tu n'auras pas de coupure. Et si tu as une coupure, et tu es ma'dour, t'es excusé et tu continues. Ça, ça nous montre que tu ne jeûnes pas Sha'ban. Là, tu seras coupé par Ramadan. Qala, وكما لو ابتدا الصوم في مده يدخل فيها يوم النحر او يوم الفطر او ايام التشريق فان التتابع ينقطع بذلك كذلك celui qui jeûne مثلا il commence dhul hijja le début il se dit je vais jeûner les deux mois moi dhul hijja et je finis muharram deux mois on lui dit là il y a dhul hijja il y aura l'Eid et l'Eid t'as pas le droit de jeûner donc l'afdal c'est tu choisis deux mois où il y a pas d'Eid avant ramadan fa inshallah tayyib. Celui qui jeûne maintenant Rajab et Sha'ban, tayyib, il n'aura pas de coupure. قال لقدرته أيضا على الصوم في مدة لا يتخللها رمضان ولا العيد ولا العيدان ولا أيام التشريق كما لا يخفى. نعم. Dans ce cas-là, les deux mois, ils sont annulés. Tu dois recommencer depuis le début. Et là, c'est possible de choisir une période où qu'il n'y a pas l'Eid, où qu'il n'y a pas أيام التشريق, etc. Ça nous montre que tu dois choisir une période où tu n'auras pas de coupure. قال وإذا قطع التتابع بإفطار وهو قادر على التحرز عنه فكونه يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر. Donc si il coupe les deux mois alors qu'il n'a pas d'excuse, l'imam Shanqiti te montre que c'est clair qu'il doit recommencer. Pourquoi? لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين في سورة النساء أي كفارة الظهار. وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر عندنا والله أعلم. Donc في الحقيقة الإنسان في attention au départ. بقي المرأة كي الحيض أو النفاس. قال رحمه الله لمن شنقيتي toujours تنبيه والأظهر أنه إن وجب على النساء صوم يجب تتابعه. Bien sûr si on dit que la femme elle est concernée par الكفار. Et on a vu cette mas'ala. قال لسبب اقتضى ذلك أن حكمهن في ذلك كما ذكرنا فيعذرن في كل ما لا قدرة لهن على التحرز عنه كالحيض والمرض دون غيره. أما الحيض elle est excusée. Pourquoi elle est excusée pour le حيض? قد يقول قائل elle repousse quand elle a plus ses règles. Repousser c'est une solution. نعم. Lakin, ce n'est pas cette masala. Dès qu'elle a plus le haïd, elle reprend, ça c'est wadih. Là, Anna, je te dis, il attend un moment où il peut faire les deux mois consécutifs et elle n'a pas le haïd. C'est pas possible. Léana, le mar'a, elle a le haïd en général une fois par mois. Donc, le haïd, c'est une excuse. Elle commence, dès qu'elle a le haïd, elle ne jeûne plus. Dès que ça finit, elle reprend. Et elle compte bien qu'elle a fait deux mois. Et on précise ici, les mois, c'est les mois lunaires. Les mois qui sont pris en compte par Sharia. Les mois lunaires, ça peut être 29, ça peut être 30. C'est pas les mois janvier, février, etc. Ça peut être 31 jours. Là, Al-Ibra, c'est Al-Ashhur Al-Arabiya, par rapport à Al-Hilal. Donc, Al-Hayd, c'est une excuse. Al-Marad, c'est une excuse. On l'a vu. Ça dépend quel marad, bien sûr. Un marad avec lequel elle ne peut pas jeûner. Qala kal iftar li safar wa nifas. Amma al-safar. On a vu, il y a un tafsir, c'est un safar darouri, elle est excusée. Si ce n'est pas un safar darouri, pas d'excuse. Un nifas, l'imam Shanqiti, il montre que le nifas, ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Un nifas, c'est le sang qui sort après l'accouchement. L'imam Shanqiti, il dit, ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Là, ça va s'arrêter. Non, donc elle peut le faire avant ou après? Avant, elle est encore enceinte. Si ça lui fait du mal, là, elle peut attendre la période de nifas, elle finit, et elle le fait. Contrairement à l'haïd, elle ne peut pas attendre, il y en a, ça vient toujours. Donc, un nifas, ce n'est pas une excuse. قال لأن النفاس يمكن التحرز عنه بالصوم قبله أو بعده. أما الحيض فلا يمكن التحرز عنه في صوم شهرين أو شهر لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر والله تعالى أعلم. كلام نفيس من الإمام أو للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. Celui qui fait un siyam pendant les deux mois et la niya, c'est pas pour le kafara. Hukm idha sama fi atna shahrayn sawman ghayr siyam al kafara. Mathalan, il a deux mois à faire. Pendant les deux mois, il y a le jeûne de Arafah ou de Ashura. Et lui, il se dit, je mets une niya de Arafah. Sans rentrer dans la masala, est-ce qu'il peut mettre les deux niya? C'est autre chose. Nous, pour l'instant, on met chaque niya à part. Est-ce qu'il peut? Là. Les anna, il est obligé de jeûner 2 mois consécutifs avec l'intention de le kafar. Innama l'a'malu bin niya. Qala l'imam Nukudama, rahmatullah alayhi bin Mughni, in qata'a at-tataba' bi sawm nadr, ou qada', ou tatawwa'. Même si c'est un qada', même si c'est un nadr. Il choisit, imma il fait le qada' avant. Maintenant, il avait 3 jours à rattraper. Rattrape les 3 jours. Thumma, il décide de commencer ses 2 mois. Amma, il fait les 2 mois. Thumma, il fait rentrer les 3 jours, là. Ah oui, il le fait après. À la kulli hal, il choisit. Il ne mélange pas les deux. Qala, ou tatawwa, ou kafara, ukhra, lazimahu isti'naf al-shahrayn, li'annahu akhalla bit-tatabu' al-mashrut, wa yaqa' sawmahu 'amma nawa. Na'am. Si il jeûne un autre jour pendant les 2 mois qui fait partie de la kafara, ça annule le tatabu al mashrut, et le conditionnement que les 2 mois soient consécutifs, et son siyam il est par rapport à sa niya. Et il recommence les 2 mois. Donc, akhil karim, awwalan, fais attention à cette mukhalafa. Il y en a, al-kafara, elle peut être compliquée pour celui qui n'est pas sérieux. Thaniyan, si wahed il est tombé dans cette ma'asiya, il fait tawba. Il regrette, et bien sûr, il applique al-kafara. Il jeûne 2 mois consécutifs. Il ne fait pas passer nourrir les pauvres avant les 2 mois. Là, on a dit, at-tartib, c'est un short. Tu commences comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec cet homme. Il lui a dit, tu jeûnes 2 mois. Avant ça, bien sûr, libérer un esclave, lakin, à notre époque, c'est compliqué. Al-an, 2 mois consécutifs, si tu ne peux pas, bien sûr, tu passes à l'étape d'après, nourrir les pauvres. Hada ma yata'allaq bi al-jima' et kaffaratu al-jima'. Il reste, masail naqraha bi-ikhtisar par rapport à al-it'am. هل يجب التتابع في الإطعام؟ أي les 60 pauvres. Est-ce qu'on doit les nourrir l'un après l'autre? Ou tu peux nourrir 5 pauvres aujourd'hui? Ou un pauvre par jour? Ou un pauvre cette semaine? 3 pauvres l'autre? مهم, il n'y a pas de suivi. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ولا يجب التتابع في الإطعام. وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه. Vous avez remarqué que الفقهاء ils sont très précis في الأدلة. Et ça nous montre أنه لا يجوز التعصب لمذهب. نحن مثلا الآن on lit la parole d'Ibn Qudama, des fois on lit la parole d'Ibn Abd al-Barr, c'est un Maliki, des fois on prend la parole de Nawawi, c'est un Shafi'i. أهم شيء on est avec le dalil ou qu'il est. أما التعصب لمذهب et délaisser قول الحق ولو s'il est clair parce que je suis un Maliki ou un Shafi'i, هذا c'est pas من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القدوة c'est النبي عليه الصلاة والسلام. Ça veut pas dire que c'est interdit d'étudier un madhab. لا. Lakin at-ta'assub est imposé aux gens de suivre ce madhab. Ou penser que la solution c'est de suivre un madhab. La solution c'est sunnah. Na'am, la solution c'est as-sunnah. Sunnah fiha al-khayr. Bien sûr, en respectant ahl al-ilm, en respectant les avis, lakin notre intention c'est al-haq. Fabn Qudam al-an, il est précis. Lam yashtarit at-tatabu' fi sahih. C'est ça le qawl sahih. An Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité siyam, شهرين متتابعين أما في إطعام مساكين إلى بسيطة التتابع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إلى دي إطعام 60 مسكين إلى بدي consecutivement donc on a le choix. والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه كذلك إلى rapporté أن سيقول أكثر أهل العلم على أن الإطعام لا يجب فيه التتابع لأن الله تعالى أطلقه عن قيد إلى بسيطة إن condition كم في الصيام. هذا ما يتعلق بالإطعام. كذلك القدر. Combien on doit nourrir? أي la quantité pour chaque pauvre. On a في حديث أبي هريرة رضي الله عنه une précision. العرق المكتل. On a dit que c'était 15 صاع 60 مد 1 مد par مسكين. وهنا يا أخلا بين أهل العلم القول الأول يدفع إلى كل مسكين مدا. Et ça c'est la définition de l'imam al-Nawawi. القول الثاني ils disent من القمح مدا. أي si c'est du قمح du blé 2 مد ومن التمر والشعير صاع أي 4 مد إلى آخره. القول الثالث ils disent أن الإطعام وجنسه مقدر بالعرف لا بالشرع. Et ça c'est un قول طيب أنه ça revient au عرف. لأن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. Donc ça revient au urf. L'essentiel, c'est de nourrir un pauvre et le nourrir. Ay yashba. C'est ça al-afdal et c'est ça al-qawl al-aqrab. Naktafi bihada al-qadr. ولله الحمد on a avancé, on a fini ma yata'allaq bi al-kaffara wa al-qada. Et inshallah, le prochain dars na'khud ma yata'allaq bi al-safar. Et كذلك نعم الحافظ عبد الغني المقدسي لا سيتي حديث السفر on les lira, on traitera le sujet du safar, du musafir. Et كذلك on inclura dans ce chapitre ahlul ahdar, لأن المسافر il est excusé. Et nous, on parlera, on a déjà parlé là, on résumera bi-ikhtisar ce qui est Ahlul A'dhar, Al-Marid, ou Al-Sheikh Al-Kabir ou Al-Ajouz, et bien sûr Al-Musafir, Al-Ha'idh, Al-Hamil, etc. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.